Mosaïque. Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro, selon le lieu à partir d'où vous nous écoutez. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Et ce sera pour parler d'une probable reprise du dialogue inter-burundais à l'extérieur du pays, précisément à Arusha. En effet, depuis le dernier round de février cette année, ce dialogue est dans l'impasse. Le rendez-vous du mois d'octobre qui était annoncé par le bureau du facilitateur n'a pas été respecté. Après ce rendez-vous raté, un prochain rendez-vous du dialogue d'Arusha serait en instance d'être annoncé. Un projet de calendrier de ce dialogue aurait été élaboré par le facilitateur William Benjamin Mukapa et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Burundi, Michel Kafando. Si jamais la facilitation relance ce dialogue, il y a lieu de se demander ce qui explique le retard enregistré pour aboutir à un accord par rapport au dialogue interne qui a clôturé ses activités depuis longtemps et dont le rapport a déjà été transmis officiellement. Bien plus, d'autres interrogations ne manquent pas. Qui prendra part à ce dialogue? Le récurrent problème des invités qui posent des préalables est-il résolu pour le moment? Quelle est l'opportunité de ce dialogue au moment où la machine d'amendement de la Constitution tourne depuis un certain temps? Que faudrait-il attendre de ce processus si jamais il est relancé? Qu'en est-il du rapatriement de ce processus? Quel sera l'apport de ce dialogue, surtout dans la préparation des prochaines échéances électorales? Et quelles sont les pistes à explorer pour la réussite de ce processus? Pour avoir un éclairage sur toutes ces questions, nous avons invité l'honorable Pierre Claver, Nahimana du parti Sawanya Frodebou, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous sommes aussi avec l'ambassadeur Anatole Bachanamo, chargé des questions politiques et diplomatiques au sein du parti FNL. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Nous avons également invité l'honorable Léopold Hakizimana de la coalition Amizero ya Barundi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Dans ce débat, nous avons également invité Anastase Manilambona, secrétaire national chargé de la formation idéologique et patriotique au sein du parti CNDD-FDD. Il n'est pas encore arrivé, nous l'attendons toujours. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti. Jérôme Niyonzima est à la réalisation et au micro, vous retrouvez Joseph Sabiabandi. Bienvenue. Pour entrer dans le vif du sujet, la première question, je l'adresse à Pierre Claver Nahimana. Est-ce que le dialogue inter-burundais à l'extérieur du pays est encore en vie ou bien il est vraiment à réanimer? Ce qu'on appelle le dialogue extérieur, ça veut dire le dialogue qui est conduit sous la médiation du président de l'Ouganda avec la sous-médiation de l'ancien président de la Tanzanie, Mukapa. Je pense que c'est un processus qui a commencé depuis longtemps, mais qui connaît beaucoup de problèmes, on le constate. Ça fait longtemps que ce processus a commencé. Et tout le monde attend les résultats. Il doit y avoir des difficultés, on peut les présumer. Il y a certaines difficultés probablement qui proviennent des négociateurs eux-mêmes. Il y a probablement des difficultés qui proviennent de la médiation elle-même. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il faudrait plutôt effectivement réanimer. Il y a des espoirs qui sont déçus. Ceci est clair. Ça fait trop longtemps qu'on attend que ce processus donne des fruits, mais on ne les voit pas. Monsieur l'ambassadeur Anatole Bachanamo, vous êtes du parti FNL. Au niveau du parti Sawanya Frodebou, on trouve que le dialogue extérieur d'Arusha est à réanimer. Au niveau de votre parti, vous faites la même analyse? Merci beaucoup. Au niveau du parti FNL, et au niveau de l'opposition politique extra-parlementaire, nous avons suivi effectivement le dialogue qui se passe à l'extérieur du pays. Mais la question qui se pose essentiellement, c'est de savoir pourquoi le dialogue se passe à l'extérieur du pays. Et les raisons qui font que le dialogue puisse se tenir à l'extérieur du pays, c'est qu'il y aurait de l'insécurité au Burundi, l'insécurité pour les participants. Or, ce que nous constatons au niveau du parti FNL, et de l'opposition politique extra-parlementaire, c'est que les raisons qui avaient fait que ce dialogue se passe à l'extérieur ne sont plus de mise. Et deuxièmement, j'ajouterais que, est-ce que le dialogue s'est imposé? Oui et non. Non, parce que quand il y a eu des élections avec un taux de participation honorable qu'on a connu, normalement, il ne devrait y avoir de dialogue. Parce qu'on doit mettre là où la population, où le peuple a mis. Mais compte tenu des réalités burundaises, il se peut que le dialogue soit une tradition nationale burundaise. Et dans ce cas, je peux dire que ce dialogue pouvait être nécessaire. Mmh. La même question est posée à l'honorable Léopold Hakizimana de la coalition Amizero ya Barundi. Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue extérieur d'Arusha, il est toujours en vie ou bien il est à réanimer? Bon, merci de m'accorder la parole. La question semble être, devrait être posée normalement à ceux qui organisent ces négociations, la médiation. Nous, pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous devons dire que nous sommes sur une situation de regret. Pourquoi? Parce que le dialogue semble traîner à longueur, alors que la population attendait des résultats du dialogue. Je dis plus aussi pourquoi? Parce que il y a une situation qui est dans le pays, qui doit être réglée par un dialogue externe, bien sûr. Parce que qui dit qu'au pays, il y a de la sécurité, qui dit la paix, ce ne signifie pas l'absence de crépitement d'armes, ainsi de suite. Mais il y a déjà l'insécurité dans les esprits. Si nous regardons la situation sécuritaire au pays, il y a des éléments qui nous prouvent à dire que s'il faut réanimer ou aller vite pour arriver à des conclusions, que c'est ce que nous souhaitons. Vous voyez une situation sécuritaire qui est délétère. Même si on parle qu'il n'y a pas de guerre, nous enregistrons chaque jour des morts à gauche, à droite. Et cela nous inquiète en tant que représentants du peuple. Il y a une situation de gouvernance dans le pays. Vous savez qu'il y a un problème des droits, des libertés fondamentaux qui ne sont pas respectés. Ici, je parle des droits politiques, l'espace politique. Vous savez que l'espace politique est pour le moment verrouillé. Je parle également d'une situation socio-économique qui est délétère. Qui ceci nécessite effectivement que les Burundi asseyent ensemble pour trouver des solutions. Je vois un problème de cette tendance de faire la révision de la constitution d'une façon unilatérale. Ça cause un problème parce qu'une constitution, c'est quoi? Une constitution, c'est un contrat social. Ça devrait être sorti d'un consensus de toute la population. Si le fond de ces représentants, si vous voulez, c'est pour cette raison, je dirais que ces politiciens qui sont à l'extérieur devaient porter leur apport dans la révision de la constitution. En fait, je dois vous dire que on se prépare aux élections, aux échéances électorales de 2020. J'imagine comment ces élections pourront se tenir, alors que des éventuels candidats à ces élections, une partie se trouve à l'extérieur, une autre partie se prépare seule, même les autres qui se trouvent à l'intérieur sont empêchés de se préparer à ces élections. Je me demande alors quelles seront les élections de 2020, alors qu'on devrait préparer les élections dans les mêmes conditions pour éviter de deux points de mesure. Moi, j'imaginais que c'est ce dialogue externe qui devrait trouver la solution de tous ces problèmes. Pour le moment, à mon résumé, nous regrettons l'arrêt ou, si vous voulez, la lenteur de ces négociations. Nous voulons que ça se termine et avoir des résultats pour que la situation puisse évoluer. Mmh. Le dialogue extérieur d'Arusha qui traîne en longueur. La facilitation avait annoncé que le dialogue allait reprendre au mois d'octobre, un rendez-vous raté. Qu'est-ce qui pourrait expliquer justement ce report du dialogue? Bon, mon ami, il faut devoir parler que probablement il y a des problèmes liés aux organisateurs du dialogue. Il y a probablement des problèmes liés à ceux qui devraient participer dans le dialogue. Nous regrettons qu'une partie du dialogue, notamment la partie gouvernementale, traîne les pieds, traîne à longueur, alors qu'elle devra être responsable de la situation qui se trouve sur Télé. J'imagine que le problème se réside là et j'invite à tout le monde de pouvoir participer dans le dialogue avec une volonté franche, sans passer à gauche, à droite. C'est ça mon souhait. Est-ce que le problème ne viendrait pas de vous, les politiciens, qui ne voudraient pas s'asseoir avec les autres? Comme l'a dit mon président, quand nous parlons de dialogue, il faut des partis, la partie gouvernementale, la partie de l'opposition. Tout le monde le sait, vous êtes informé, vous entendez souvent que la partie gouvernementale pose des conditions, quelquefois des conditions même difficiles à réaliser. Moi, j'imagine que si vous voulez la paix dans son pays, quand vous entrez dans le dialogue, ce sont ces conditions effectivement qu'on devrait négocier et dialoguer sur. Comme vous posez des conditions, c'est parce qu'effectivement il y a un problème. Il fallait y aller et négocier ces conditions pour qu'on puisse quand même avancer et trouver des solutions le plus tôt possible. Mais dernièrement, au mois de février, il y avait le président du parti CNDD-FDD, le président du parti au pouvoir qui était là. Est-ce qu'il n'aurait pas représenté le gouvernement? Oui, ils ont représenté la partie gouvernementale. On avait l'espoir. Mais vous voyez que par la suite, le dialogue n'a pas continué. Probablement qu'il y a un problème même chez l'organisateur du dialogue. parce que apparemment, je ne sais pas s'il manque de motivation, s'il y a d'autres raisons de le faire, mais nous trouvons qu'il y a un problème quelque part. Je précise que dans ce débat, on avait invité Anastase Manilambona, secrétaire national en charge de la formation idéologique et patriotique au sein du parti CNDD-FDD. Le parti nous avait promis qu'il allait venir, il n'est pas encore arrivé. Nous l'attendons, c'est lui qui pouvait répondre à certaines questions en rapport avec le parti CNDD-FDD. J'adresse la même question à l'ambassadeur Anatole Bachanamo du parti FNL. Le dialogue prévu au mois d'octobre a été reporté. Est-ce qu'il y a une raison que vous connaissez qui aurait milité à ce report? Oh, moi, je ne connais pas la raison précise, mais il doit y en avoir une. Comme quoi? Moi, je dirais que, à ce que je sache, au niveau du parti, nous trouvons quand même que l'opposition radicale n'est pas de bonne foi. Parce que nous constatons une certaine, solidarité négative avec ceux qui ne sont pas qualifiés pour participer au dialogue. Et je suis d'accord que les gens qui sont à l'extérieur puissent participer, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui se sont disqualifiés, que ce soit au Burundi ou dans d'autres pays. Quand ils te montrent dans des opérations de terrorisme, tu ne peux pas prétendre être invité dans un dialogue. Ça ne se fait jamais nulle part au monde. Mais il y a des politiciens qui sont à l'extérieur qui, à mon avis, ne se reprochent pas de grand-chose et qui pourraient participer. Mais ce qui m'étonne, c'est cette solidarité négative envers les personnes qui ne sont pas qualifiées. Ça, c'est la première raison qui fait que le dialogue n'a pas pu se tenir au mois d'octobre. Et même, maintenant, on annonce qu'il pourrait y avoir la relance du dialogue. Si les mêmes réseaux continuent, ce serait dommage. Parce que ces politiciens doivent quand même regarder devant et voir que les élections de 2020 approchent. On ne va pas attendre que ceux qui lancent les grenades ou autres qui ont fait les coups d'État participent au dialogue pour qu'ils puissent s'obtenir. Ça, c'est inacceptable au niveau de notre parti et au niveau de l'opposition politique extra-parlementaire. À vous entendre, c'est l'opposition radicale qui bloquerait l'avancée significative du dialogue extérieur. Moi, je pense qu'il y a une certaine opposition radicale qui tient en otage les autres opposants. Et la solution doit venir de la décision des opposants qui se trouvent ici et là en Occident ou dans les pays voisins, qui doivent quand même ne pas être entraînés par d'autres. Mais quand vous parlez de l'opposition radicale, vous voulez dire qui? Oh non, moi je ne suis pas qualifié pour dire tel et tel ou pas, vous avez la réponse. Je vous retourne la question. Non, moi je n'ai pas parlé de l'opposition radicale. C'est vous qui avez qualifié certains politiciens comme de l'opposition radicale. Pour moi, un radical, c'est un politicien qui incite, celui qui a incité par exemple les jeunes à aller s'attaquer au camp militaire alors qu'ils n'avaient pas les moyens pour tenir tête à l'armée nationale. Ça, moi, je vous dirais que c'est un radical. Vous les connaissez? Non, la justice est en train de faire des enquêtes. Je pense qu'ils sont assez avancés. C'est lui aussi qui a imaginé et qui a mis en opération un coup d'État. Pour moi aussi, c'est aussi un radical. Donc, vous voyez, je peux énumérer la qualité des radicaux. Il y en a beaucoup quand même. Et si la justice n'a pas encore terminé ses enquêtes, qu'est-ce qui vous fait dire que les gens qui sont à l'extérieur seraient derrière ce que vous venez de dire? Oui, il y a des gens qui sont connus, il y a des faits qui sont avérés, il y a même qui revendiquent des actions. Si vous avez suivi dans les médias, il y a des gens qui revendiquent des actions qui disent, nous, on va utiliser la violence pour reprendre le pouvoir. Quand nous sommes dans une démocratie et que tu parles de violence pour prendre le pouvoir, qu'est-ce que tu vas dire? C'est quand même radical, ça. Honorable Pierre Claverna-Himana, est-ce qu'aujourd'hui le processus extérieur du dialogue est-il encore nécessaire au regard de l'évolution politique actuelle dans le pays? Vous savez, les processus de dialogue dans le monde, ce n'est pas seulement au Burundi. Je dis que les processus de dialogue dans le monde, dans des situations compliquées comme celles que l'on connaît au Burundi, sont toujours très délicats, parfois longs, souvent d'ailleurs longs, pour arriver à des résultats tangibles. J'ai dit que nous regrettons fort que le processus qui se passe actuellement soit trop long. Mais je dois vous dire aussi que le processus qui a conduit à la conclusion de l'accord d'Arusha, il a duré 5 ans, avec beaucoup de lourds travaux, beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements pour qu'on arrive à une solution sérieuse. Lorsqu'on veut une solution à court terme, ça devient très difficile. D'abord, il faut constater cela. Alors, pour le processus en cours, on sent qu'il y a des difficultés. J'ai dit qu'on ne voit rien avancer, mais on voit des signes qui montrent qu'on peut espérer. Quels sont ces signes? Même si on dit qu'il y a une opposition radicale, quelque part il y a des gens qui disent qu'il y a une opposition radicale, que le pouvoir ne se rencontre pas avec l'opposition radicale. Bon, il faut mettre ça au conditionnel. Si vous avez bien suivi les médias ces derniers jours, vous apprendrez que le Senared s'est rencontré avec des représentants du pouvoir à Helsinki. Et d'après les renseignements, les informations qui parviennent ici et là, c'est qu'au cours de cette rencontre, il y a eu des avancées. Donc c'est une autre méthode de travailler qui pourra permettre de faire avancer peut-être ce qui se passe à Arusha. Des fois, on a peur de dire des choses publiquement qu'on peut dire lorsque peut-être on est à deux. Donc c'est une méthodologie qui est utilisée dans ce genre de processus. Donc c'est vrai, si vous regardez ce qui se passe avec le président Mukapa, on a l'impression qu'il patine. On le compare en fait à ce que faisaient Mwalimu Julius Nyerere et le président Mandela, mais ce ne sont pas les mêmes forces, il faut le savoir. Mandela et Nyerere, c'était autre chose. Ils avaient beaucoup de force, beaucoup d'emprise sur toutes les personnalités fortes de l'Afrique, du monde entier d'ailleurs. Donc ils pouvaient recevoir facilement ce qu'ils veulent. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour le président Mukapa. Mais patientons, fournissons toujours les efforts. Je pense que vous posez la question si ça vaut la peine. Oui. Le processus a encore sa place. Il faut patienter. Il faut fournir des efforts. Je pense qu'on pourra arriver à quelque chose. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il y a la machine de changement de la constitution qui tourne depuis un certain temps. Est-ce que le dialogue extérieur pourra y apporter quelque chose alors que ça avance à l'intérieur du pays? Oui, l'on a entendu qu'il y a un processus de changement de la constitution. C'est une des questions qui était certainement inscrite à l'ordre du jour du processus de paix, mais ce n'était pas la seule. Si on pouvait changer la constitution, mais que les autres choses restaient normales, il y a une grande partie des Burundais qui seraient peut-être contents. Donc, sur le calendrier du processus, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de cohabitation entre les organisations politiques, il y a les problèmes de violation des droits de l'homme. Il y a tellement de problèmes qui doivent être discutés au niveau du processus de paix. Donc ce n'est pas uniquement cette question de la constitution. Maintenant, s'il y a une partie qui pense qu'elle va résoudre le problème de la constitution seule, sans se référer aux autres, vous allez voir, au fur et à mesure que le processus va avancer, la question finira par retourner à la table. Donc c'est une question de temps. Donc, je ne crois pas que si on se dit, écoutez, puisqu'on est en train de chambarder la Constitution, on arrête. Non, il ne faut pas arrêter, il faut continuer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qu'il faut régler, qui pourraient même faciliter cette problématique de changement ou d'amendement de la Constitution. Monsieur l'ambassadeur Anatole, au niveau du parti Savagnin Frodebou, on dit que le dialogue extérieur a toujours sa place. Et ça rencontre votre avis? Moi, je dirais que le dialogue, que ce soit intérieur ou extérieur, a toujours sa place. Et j'ai dit que c'est dans la tradition burundaise. Mais ici, il faut voir qui sont les partenaires. Il y a d'un côté le gouvernement, le pouvoir en place, qui a gagné les élections. Et de l'autre côté, il y a une opposition que moi, je dirais hétéroclite. C'est une opposition qui n'est pas soudée, qui ne parle pas d'une seule voix et qui n'a pas assez d'arguments. C'est pour ça que vous dites que mon collègue Edi Frodebou disait que le président Mokapa n'aurait pas la poigne de son prédécesseur Nyerere. Mais je pense que c'est surtout au niveau des sujets. Parce qu'à l'époque de Nyerere, le sujet était pertinent. Il y avait un pouvoir qui était là illégitimement. Et une opposition qui avait beaucoup de raisons de réclamer. Et ici, nous avons un pouvoir légitime et une opposition que moi j'appelle même un peu illégitime dans sa manière de travailler. C'est là où se trouve la complexité. Mais je suis d'accord quand même que le dialogue est nécessaire, qu'il soit à l'intérieur. Moi je dirais qu'il doit être à l'intérieur vu qu'il y a la sécurité aujourd'hui. Honorable Léopold, au niveau de la coalition Amizero ya Barundi, vous épousez l'idée des deux autres invités dans ce débat que le dialogue extérieur a toujours sa place. Le dialogue extérieur a toujours sa place. Il est plus que nécessaire, vu la situation qui règne dans le pays. Même si, comme l'a dit mon précédent du Frodebou, qu'on est en train de faire vite pour changer la constitution, il y a déjà effectivement qui vont l'avant vite pour faire changer la constitution dans une situation pareille. La question constitutionnelle, ce n'était pas la seule question qui était sur la table. Il y avait d'autres questions, notamment des questions sécuritaires. Il y avait des questions socio-économiques qui sont là. Il a parlé de la cohabitation politique, des partis politiques. C'est un grand problème qui est là. L'espace politique, tout ça devrait être négocié sur la table, que je dirais le dialogue externe qui pourrait rassembler tout le monde. Parce que notre ami ambassadeur a parlé du dialogue interne, mais le dialogue interne, c'était tout simplement une rencontre de gens qui vivaient à l'intérieur du pays. Mais vous savez que la grande partie de nos politiciens se trouvent à l'extérieur du pays, même s'ils nous parlent de l'opposition radicale et tout ça. Moi, j'appelle tout ça opposition. Opposition radicale ou non radicale, interne ou externe, pourvu qu'il y ait de l'opposition, et l'opposition devrait se mettre ensemble avec le groupe du gouvernement pour s'asseoir et trouver une solution. Moi, je dirais surtout que le dialogue est plus que nécessaire vu la situation dans laquelle nous vivons. Voyons la situation économique que vit le pays. Voyons la situation sociale que vit la population. Il faut quand même que les gens se mettent ensemble pour trouver une solution une fois pour toutes. Et la solution ne sera pas une solution uniquement politique. Il y a des questions sociales, il y a des questions économiques qui devraient être résolues devant ce dialogue. Il y a honorable Pierre Claver Nahimana qui dit que si jamais le dialogue extérieur est relancé, la question de changement ou d'amendement de la Constitution devra revenir à la table. C'est ce que vous pensez, vous aussi? Bon, moi aussi, je pense que ça pourrait revenir à la table. Pourquoi? Parce que la Constitution, c'est un texte fondamental. C'est une question extrêmement importante. Ça relève du contrat social de la population, de toute la population. Une partie ne peut pas changer la Constitution. Elle seule, il faudra inviter l'autre partie, parce que la Constitution devrait être un texte consensuel, de consensus. Ça sera d'ailleurs quelquefois une perte de temps si on change de constitution alors qu'on est déjà dans le dialogue. C'est une question qui est posée dans le dialogue. Pourquoi aller vite? Qu'est-ce qui pousse une partie d'aller vite au lieu d'attendre la conclusion du dialogue et penser à pouvoir changer la constitution avec un consensus de deux parties? C'est ça mon point de vue. Et si jamais aujourd'hui ce dialogue extérieur est relancé, qui prendrait part dans ce dialogue? Bon, malheureusement, ce n'est pas moi qui devrais inviter les participants, mais moi je dis, j'ai parlé de deux groupes, le côté gouvernemental et le côté opposition. S'il y a de l'opposition radicale, opposition non radicale, moi j'appelle ça opposition. C'est-à-dire que tout le monde devrait participer dans le dialogue pour éviter de retourner encore une fois dans des crises cycliques. Vous savez que si vous laissez une partie à côté, vous serez obligé de reprendre le dialogue après quelques temps. Il faudra appeler tout le monde, parce que même s'il y a eu déjà que nous appelons des putschistes et tout ça, il faudra d'abord que la justice tranche. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas qualifiés de dire tel est putschiste ou tel n'est pas putschiste. Il faut que la justice tranche, les dossiers des putschistes soient réglés et puis qu'on puisse avoir des politiciens qui ne sont pas exécutés de telle autre chose. Donc, Parce que si la justice pouvait qualifier les gens de putschistes ou de non-putschistes. Donc, il faut qu'il y ait deux parties, d'un côté le gouvernement et de l'autre côté l'opposition. Est-ce que vous accepteriez d'être dans le même groupe que l'opposition extra-parlementaire de l'ambassadeur Anatole Bachanam? Bon, au début, quand on commence les négociations, quand même, vous êtes en groupe, mais avec révolution, il y a la bipolarisation de la question. Peut-être s'il y aura des gens qui vont regrouper derrière le parti au pouvoir, et les gens qui vont regrouper derrière l'opposition, dans l'opposition. Parce que le parti au pouvoir, il y a des partis qui sont derrière lui. Je crois que Bachanam n'est pas loin, même s'il se réclame de l'opposition, c'est de l'opposition. Mais avoir sa position, il n'est pas loin du parti au pouvoir. Cela arrive partout dans le monde. Il y a des partis qui ne sont pas au pouvoir, mais qui soutiennent les idéaux du parti au pouvoir, peut-être. Bachanam est dans son groupe. C'est-à-dire qu'en certains moments, on pourrait avancer en évoluant, avoir deux groupes, l'opposition et la mouvance. Et puis, on pourrait avancer. Et on pourrait avoir même la troisième voie, la partie centriste. On peut avoir une troisième voie, la partie centriste. Je ne sais pas dans quelle voie Bachanam se localise. Honorable Clavé Nahimana, vous partagez son opinion? Bon, chacun a le droit d'avoir son opinion. Vous savez, là, vous avez posé une question précise qui va participer, si jamais le processus était relancé, qui devrait participer à ce processus et qui ne devrait pas participer. Vous savez, on sait très bien que depuis que le processus actuel a été lancé, il y a eu cette façon de dire que les gens qui ont été condamnés ou qui sont des putschistes, ils ne participaient pas. Vous savez, c'est de bonne guerre. Hein. C'est stratégique aussi pour disqualifier l'adversaire politique. Je ne conteste pas que si jamais la justice fonctionne normalement, on ne pourrait pas identifier des putschistes. Ce n'est pas ça. Mais s'en servir, se servir de cet argument pour disqualifier les adversaires politiques qui peut-être n'ont rien à voir avec le putsch, ça c'est une autre histoire, mais c'est de bonne guerre. Vous savez que lorsque nous négocions l'accord d'Arusha, nous on nous appelait des génocidaires, tout simplement. Les génocidaires c'est pire que les putschistes. Donc au début, le parti au pouvoir, c'était l'UPRONA, il disait non, non, non, on ne s'assoit pas avec des génocidaires. Les génocidaires c'était en prison. On a commencé comme ça, mais finalement, on a fini par s'asseoir ensemble à force de discuter ensemble, à force que le médiateur et tout l'environnement diplomatique et politique qui existait là disait non, non, non, non, il faut s'asseoir ensemble. On a fini par s'asseoir ensemble. Et je suis sûr, c'est ce qui va arriver même dans ce processus. Il y a seulement le temps. Le temps pourra résoudre le problème. Donc, pour moi, il y a le pouvoir, c'est très clair. Et il y a une opposition qui dit, moi j'ai des choses que je reproche au pouvoir en place. Donc c'est ça l'opposition. Maintenant le qualifier de putschiste, de je ne sais pas quoi encore, ça c'est une autre histoire, ça c'est une stratégie. Je vous ai dit que dernièrement, les agents du pouvoir, des cadres du pouvoir, des envoyés du gouvernement, du pouvoir actuel, ils se sont rencontrés avec des cadres du Senared, que des fois ils qualifient publiquement comme des putschistes ou de je ne sais pas quoi encore. Et pourtant, je sais qu'à ce moment, ils ont bien travaillé ensemble. Ils ont bien travaillé ensemble et ils étaient arrivés à des conclusions quand même qui étaient louables. C'est la raison pour laquelle je disais que si ces efforts, ce genre de stratégie de contact pouvait continuer, pouvait être facilité dans d'autres cadres, ça pourrait faire avancer le processus. Vous savez, lorsque on demande que les gens aillent s'exprimer publiquement, là ça devient encore plus compliqué. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on arrive en public, on dit « Ah, ah, cela, je ne peux pas m'asseoir ensemble. » Alors que dans les coulisses, ils s'assoient ensemble. Vous connaissez le gouvernement américain, il dit qu'il ne pourra jamais négocier avec des terroristes. Mais on sait très bien qu'en coulisses, ils le font. C'est une question de stratégie qui est utilisée, d'intelligence, pour pouvoir arriver à un but noble. Donc, je pense qu'il faut utiliser ce genre de stratégie de contact personnalisé, effort de compréhension mutuelle pour essayer d'arriver à des résultats quand même qui pourraient être bons pour le Burundi. Ambassadeur Anatole Bachanam, quel est l'avis du parti FNL quant à ceux qui doivent participer à ce dialogue d'Arusha? Avant de déterminer notre position à propos de ceux qui doivent participer au dialogue, je voudrais d'abord réagir au propos de mon collègue Dami Zero, c'est Honorable Léopold. Il estime que le parti FNL et l'opposition politique extra-parlementaire défend les thèses proches de celles du gouvernement. Je vais lui répondre directement. Nous, au parti FNL, s'il y a des choses qui sont positives, nous sommes tout à fait d'accord. Nous n'allons pas dire que le gouvernement n'a pas fait de bons programmes s'il y en a. Mais s'il y a des choses qui sont à déplorer, nous sommes aussi en mesure de le faire. Qu'est-ce que vous déplorez pour le moment? Est-ce que tout va bien? Il n'y a pas un seul pays au monde où, que je sache, où tout va bien. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous déplorez justement au niveau du parti FNL? Vous aspirez prendre le pouvoir un jour? C'est pour cette raison que vous êtes un parti politique. Qu'est-ce que vous déplorez? Il y a des choses à déplorer, mais ici, c'est pas le sujet du jour. Mais laissez-moi d'abord répondre à mon ami honorable Léopold. Il se trouve que nous défendons les thèses proches du gouvernement. Ce qui n'est pas mauvais du tout. Ce qui n'est pas mauvais, bien sûr. Quand il y a des choses positives, on doit les approuver. Mais lui aussi, je dois lui reprocher quelque chose. Est-ce que comme nous, on est proche du gouvernement, donc au niveau d'Ami Zéro, vous êtes quand même proche de l'opposition radicale. Mais c'est votre position. Je voudrais dire aussi, parce que moi je préfère aller directement à la question qui a été posée à propos de savoir qui seraient les participants à ce dialogue. Je salue, comme mon ami Tifrodebo, la méthodologie parallèle qui est utilisée. On a parlé des Helsinki. Moi je trouve que ce sont des choses positives que pour épauler le médiateur, on puisse organiser d'autres petites réunions connexes. Si vous voulez, un peu informel, ça c'est une bonne méthodologie. Mais à ce que je sache, à Helsinki, il n'y avait pas quand même l'opposition radicale. Il y avait des gens de l'opposition. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que je trouvais que l'opposition qui se trouve en exil en Belgique, en France ou ailleurs, devrait quand même ne pas accepter de défendre toujours les thèses de l'opposition radicale qui, elle, a des choses à se reprocher et qui s'est disqualifiée. Parce qu'effectivement, ce serait dommage si toute cette opposition qui se trouve à l'extérieur du pays soit empêchée de participer, n'offusque que par sa solidarité négative envers les personnes qui sont disqualifiées. Et donc, pour me résumer, le dialogue qui doit se tenir, à mon avis, qui doit être rapatrié au Burundi, doit quand même mettre en place deux parties, la partie gouvernementale et la partie de l'opposition, mais pas de l'opposition radicale. Là, vraiment, je me porte en faux. Mosaïque. Pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une probable reprise du dialogue extérieur d'Arusha. Les invités sont l'honorable Pierre Claver Nahimana du parti Sawanya Fodebu. Il y a également l'ambassadeur Anatole Bachanamo, chargé des questions politiques et diplomatiques au sein du parti FNL. Nous sommes aussi avec l'honorable Léopold Hakizimana de la coalition Amizero Yabarundi. Dans ce débat, on avait invité Anastase Manirambona, secrétaire national chargé de la formation idéologique et patriotique au sein du parti CNDD-FDD. Il avait été mandaté par son parti, mais il n'est pas encore arrivé. Nous l'attendons toujours. La question qui est sur le plateau, c'est que faudrait-il attendre de ce processus si jamais il est relancé? Honorable Léopold Hakizimana. Bon, ce que nous pouvons attendre de ce processus, vous savez que dans le pays, la situation sécuritaire semble être maîtrisée, mais il reste quand même des problèmes de sécurité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut discuter ces questions. Et puis, ce que je voulais savoir, je voulais qu'on puisse avoir, après, avec ce dialogue, il y a une situation de tension en politique entre les politiciens. Il faut qu'il y ait quand même la trêve politique entre les politiciens burundais. Une sorte de cesser le fait politique pour qu'on puisse avancer dans la même direction, tout en sachant que nous sommes tous des Burundais, nous travaillons tous pour le Burundi. Pour éviter, il faut que la situation, il y a ce que je pourrais appeler la situation de paix dans les esprits des politiciens burundais, dans les esprits de la population burundaise, pour qu'on puisse regarder avant et aller dans la même direction. C'est ça ce que j'imagine en premier lieu, parce qu'il y a toujours une tension. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui même, on qualifie les gens de putschistes, d'opposition radicale. Ça, c'est une bonne guerre pour les politiciens, mais il faudra que cette situation change, qu'il y ait quand même une situation de paix dans les esprits, pour qu'on puisse avancer dans la même direction. Ce que je pourrais appeler une sorte de trêve politique. Quelle sorte de tension dont vous parlez? Vous savez, ici, à l'intérieur du pays, par exemple, même si notre ami Anatole m'a parlé, il est du parti du FNL, si nous avons... Nous allons au ministère de l'Intérieur, vous allez trouver 43 partis politiques. Combien de ces 43 partis politiques font réellement la politique sur télé? C'est le parti au pouvoir. Il y a certains partis politiques qui ont été radiés, non? Bon, radiés, justement, ça c'est déjà un problème. Radiés, si vous voulez, morcelés pour des raisons politiques. C'est pour cette raison que je vous dirais qu'il faut d'abord régler cette tension permanente qui se trouve entre les politiciens. Avant de passer la parole à l'honorable Pierre Claver-Narimana, je pose la même question à l'ambassadeur Anatole Bachanamo. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui attendre du dialogue extérieur si jamais il est repris? Si le dialogue extérieur est repris, la première chose serait de voir tout de suite comment rapatrier au Burundi. Quelles sont les modalités du rapatriement du dialogue? Cela serait accompagné évidemment par la mise en place des modalités de retour des réfugiés qui sont encore dans les pays voisins et qui ont été un peu, je dirais, un peu manipulés, parce qu'il y a des réfugiés qui sont partis parce qu'on leur avait fait peur. Il y a aussi la question de voir dans quelles conditions les politiciens qui ne sont pas radicaux, mais qui sont disséminés ici, là-bas en Occident, puissent revenir pour organiser leur parti politique. Mais je dirais aussi que ce serait bien aussi que opposition et gouvernement se mettent ensemble pour rédiger ce que moi je dirais une déclaration destinée aux États occidentaux qui ont gelé la coopération avec le Burundi parce que les raisons qui les ont poussés à faire ça ne sont plus fondées. Et moi je pense s'il y a une opposition responsable, elle doit se mettre à table avec le gouvernement pour voir dans quelles mesures il parlait à même langage sur ce point de vue. Au niveau du parti FNL, on dit que si le dialogue est repris, il faudrait voir comment rapatrier ce dialogue. Au niveau de la coalition Amizeroya Barundi, on dit qu'il faut voir comment apaiser les tensions politiques qui existent dans le pays. Et au niveau du parti Sawanya Fodebu, honorable Pierre Claver Nahimana, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de la reprise de ce dialogue extérieur? Oui, il y a quelques mois, lorsque le dialogue s'est arrêté, l'on sait que le point sur lequel on était arrivé, c'était de dresser une sorte d'agenda, une sorte d'ordre du jour de négociation. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore de négociation directe. Mais je crois savoir qu'ils étaient sur le point de s'entendre sur un agenda de négociation. Et cela, tout le monde semblait accepter cet agenda. Alors, aussi, à ce moment-là, je sais que le médiateur, il avait demandé qu'il y ait des propositions concrètes au niveau de chaque parti participant. Et effectivement, je pense que les partis participants à ce dialogue l'ont fait. Ils ont envoyé des propositions. Donc, maintenant, c'est le moment d'entrer dans ces propositions et c'est d'en dégager des solutions, un plan de paix. Au stade où on en est, il faudrait que le médiateur soit capable, à partir des propositions qu'on lui a données, de dégager des scénarios de solutions pour le Burundi qui seraient mises sur la table de discussion pour que les gens puissent discuter sur des propositions concrètes. À ce stade, on ne fait que naviguer à vue. Donc, il faudrait aller dans des choses concrètes. Alors, ce que nous attendons au niveau du parti Sawanya Fodebu, si le processus venait à reprendre, c'est un engagement de toutes les parties, de tous les concernés. D'abord, il y a l'opposition, il y a le pouvoir, il y a le médiateur, il y a aussi la communauté internationale. Donc, effectivement, il faut que l'opposition et le pouvoir aillent maintenant vers une procédure de trouver des compromis à travers les propositions qu'ils ont faites au médiateur. Il faut que le médiateur soit capable aussi de proposer ces compromis sur lesquels on devrait discuter. Alors, il y a aussi la communauté internationale. Effectivement, si la machine est bien lancée à travers ce processus, Il faudrait aussi que la communauté internationale soutienne le Burundi. Il faut que la communauté internationale aille dans le sens de soutenir la dynamique. Mais effectivement, si la dynamique n'avance pas, bien entendu, la communauté internationale n'avancera pas. C'est là le problème. Donc, les responsabilités, c'est tout le monde. Ce n'est pas uniquement l'opposition, ce n'est pas uniquement le pouvoir, ce n'est pas uniquement le médiateur, ce n'est pas uniquement la communauté internationale. Chacun a sa part. Si chacun ne joue pas son rôle, ça n'avancera pas. Il y a le représentant d'Asso Débat du parti FNL qui parle du rapatriement de ce dialogue. Au niveau du parti Frodebou, vous le voyez de cet œil? Tout dialogue extérieur un jour doit être rapatrié. Ça, c'est le principe. Mais quand est-ce qu'il faut le rapatrier? Ça, c'est une autre question. Nous croyons qu'au niveau du parti Sanya Frodebo, qu'à ce stade, il n'est pas encore temps de rapatrier le dialogue extérieur pour l'amener à l'intérieur du pays. Parce que, je vous l'ai dit, on en est encore au niveau de l'agenda. On n'est pas encore entré dans les discussions pour trouver des voies de solution. Certainement, si on entre dans les discussions au niveau de cet agenda pour essayer de trouver des solutions, ils vont trouver qu'il y a des problèmes, effectivement, qui peuvent être réglés immédiatement, mais d'autres problèmes qui seront réglés probablement lorsqu'on sera rentré à l'intérieur du pays. Et c'est à ce moment-là alors qu'on peut dire rapatriement du dialogue à l'intérieur du pays. On ne peut pas régler tout à l'extérieur du pays, ce n'est pas possible. Il y aura certainement des questions qui vont continuer à être discutées à l'intérieur du pays. Mais là, il faut d'abord qu'on commence à l'extérieur. Je vous ai dit, à l'extérieur, on n'a pas encore commencé, on en est encore à l'agenda. Il faut maintenant travailler, il faut entrer dedans et discuter. Maintenant, parvenir à avoir un accord plus ou moins acceptable pour tout le monde qui puisse permettre de dire, écoutez, avec ça, on va rentrer, le reste, on va régler à l'intérieur du pays. Voilà. Est-ce que si jamais le processus du dialogue extérieur est rapatrié, vous n'estimez pas que le gouvernement burundais qui a été toujours réticent d'aller participer dans ce dialogue à Arusha pourrait participer s'il venait justement à être organisé à l'intérieur du pays? Je vous ai dit que pour le moment, il n'est pas encore temps de rapatrier le dialogue extérieur et l'amener à l'intérieur du pays. Parce qu'il y a quand même des préalables, ça c'est sûr. Il y a des questions qu'il faut d'abord régler tant qu'on est à l'extérieur du pays. Il faut un accord minimal qui permette à ce que les gens disent « Ok, avec cet accord minimal, on peut rentrer au pays et discuter le reste à l'intérieur ». Donc, à ce stade, effectivement, si on disait, écoutez, on laisse tout tomber, d'ailleurs, et on rentre au pays, ça serait un aveu d'échec pour le processus extérieur. Ça serait un aveu d'échec pour la médiation régionale. Ça serait un aveu d'échec pour toute la communauté internationale. Dire, écoutez, puisqu'on ne parvient pas à trouver aucun accord minimal, on laisse tomber, alors allez à l'intérieur du pays, débrouillez-vous. Vous savez, ça serait très dangereux pour le pays. Honorable Léopold de Hakizimana, pour le parti Sonia Fodebou, il n'est pas temps de rapatrier le dialogue extérieur. Quelle est la lecture de la coalition à Miséria Barundi? Bon, nous avons la même lecture. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rapatrier un dialogue qui n'a pas encore commencé comme tel. On discute toujours dans des groupes séparés. On n'a pas même mis ensemble les propositions des uns et des autres. On ne pourrait pas dire que le dialogue a déjà commencé. Pour que quand même que le dialogue puisse être rapatrié dans le pays, il faut tout au moins un accord minimal. Une feuille de route. On pourra continuer à l'intérieur du pays quand il s'agit de l'application de l'accord. S'il faut appliquer, parce que l'accord sera appliqué au pays. Mais aujourd'hui, au stade où le dialogue est, ce n'est pas encore possible. Il est vraiment impossible. Il est trop tôt de penser de rapatrier le dialogue au niveau interne. D'ailleurs, je peux que, comme le dit le président du Frodebou, si on venait de rapatrier le dialogue au Burundi, ça sera un élément d'échec, un signe d'échec du dialogue externe. Et ça sera même une sorte qu'une partie qui gagne sur l'autre. Alors que en matière de dialogue, tout le monde gagne, c'est gagnant-gagnant. Mais si on venait de le rapatrier, ça sera une victoire d'une partie sur une autre. Et ça, ce ne sera pas une solution en matière de résolution pacifique des conflits. Parce qu'il faut gagnant-gagnant. Ambassadeur Anatole Bachanamo, au niveau du parti FNL, vous trouvez que le dialogue pourrait être rapatrié, quelles que soient les conditions, quelles que soient ce qu'il pourrait impliquer? tout dépend des modalités qui seraient mises en place. La première chose qui serait positive à rapatrier au dialogue au Burundi, c'est mettre dans une situation confortable le médiateur. Pour le moment, moi je trouve que l'opposition en général met en difficulté le médiateur. Parce que pour le médiateur, président Benjamin Mkapa, le Burundi est un pays qui est en sécurité. Il y a la sécurité au Burundi. Il a déclaré lors de son dernier passage. Le président de la République unie de Tanzanie, lors de la visite de son Excellence Pierre Nkurunziza, président du Burundi, l'a répété qu'au Burundi, il y a la paix. Il a même exhorté les réfugiés burundais qui se trouvent sur le sol tanzanien de commencer à rentrer. Donc, dans l'entendement du médiateur, il y a la paix au Burundi. Si l'opposition accepte... Vous parlez comme si vous étiez le porte-parole du médiateur. Non. Là, je reprends les propos du médiateur. Parce que, comme j'ai dit, quand il y a des choses qui sont positives, nous, au parti FNL, nous le retenons. Le médiateur a constaté qu'il y a la sécurité au Burundi. Mais il est embarrassé par la position de l'opposition, que moi j'appelle radicale, qui dit qu'il n'y a pas de sécurité. Mais comme c'est un médiateur, il est entré, à mon avis, de réfléchir sur les modalités ou de trouver un compromis pour rapatrier le dialogue, parce qu'il ne pourrait pas se dédire. Mais évidemment, en tant que beau, parce que moi je trouve que c'est un beau médiateur, en tant que beau médiateur, il ne voudrait pas qu'il y ait des frustrations en disant « c'est un échec », mais il voit que le rapatriement du dialogue s'impose, comme d'ailleurs l'a souligné notre ami Diffro Debo qui dit qu'à un certain moment, il faut que le dialogue soit rapatrié. Mais là où nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, ils pensent que ce ne serait pas le moment. Alors que nous, au parti FNL et au niveau de l'opposition extra-parlementaire, nous pensons que c'est vraiment le temps de faire rentrer le dialogue. Quoi que vous preniez le rapatriement du dialogue, quand même vous êtes satisfait qu'aujourd'hui on passe à sa relance. Oui, nous sommes quand même d'accord qu'il soit relancé parce que, comme j'ai dit au début, c'est dans la tradition du dialogue burundais. Même quand s'il n'y aurait pas un gros problème, il faut toujours le dialogue. Moi, d'ailleurs, je suis d'accord que même quand il n'y a pas de gros conflits, il faut instaurer ce que moi j'appellerais un dialogue permanent et mettre en place un mécanisme qui soit responsable de ce dossier. Honorable Pierre Claver Nahimana, est-ce qu'au niveau du parti Saonia Frodebou, vous aussi vous êtes satisfait du fait qu'aujourd'hui, dans l'opinion, on prône la reprise de ce dialogue? Vous savez, nous nous trouvons au Burundi dans une situation assez délicate. Mon confrère d'Amizera Barondi a parlé d'une situation socio-économique quand même qui est assez difficile. On le voit, il y a des conditions de vie qui ne sont pas faciles pour beaucoup de citoyens. En partie parce que justement le conflit politique s'enlise, le dialogue extérieur n'aboutit pas. Donc, il y a la communauté internationale, une bonne partie qui ne finance plus le Burundi. Donc, tout ça, c'est pas bon pour notre pays. Donc, nous serions satisfaits si jamais tout cela pouvait se résoudre et que la population pouvait vivre normalement et que toute la population pouvait avoir, voir devant dire, écoutez, il y a un avenir, il y a un mieux. C'est ça l'intérêt majeur qui pourrait provenir de ce dialogue. Maintenant, effectivement, on a entendu tous, de la part de l'envoyé spécial des Nations Unies et bien d'autres, que le dialogue allait peut-être reprendre. Espérons que ce n'est pas une certaine propagande. Vous savez, même ces hautes personnalités souvent font leur propagande pour dire, écoutez, j'ai travaillé, donc on va reprendre le dialogue. Uniquement ça, sans qu'il y ait quelque chose de profond. Espérons que ce n'est pas quelque chose pour essayer de calmer l'opinion qui dit, écoutez, vous n'êtes en train de rien faire. Donc, espérons que ce n'est pas ça uniquement. Espérons qu'il y a quelque chose de solide derrière, que le processus va reprendre effectivement et que cette fois-ci, comme je l'ai dit, on va aller en profondeur pour essayer de trouver des solutions, proposer des solutions. On l'a vu les fois dernières, effectivement, le même discours était là. Écoutez, le processus va reprendre d'ici un mois. Et effectivement, on reprenait, on allait à Arusha, on passait de trois jours, quatre jours, et on revenait bredouille. On demandait, vous êtes arrivé à quoi? À rien. Donc, espérons que ce n'est pas un faux espoir qu'on nous fait miroiter. Espérons que c'est une reprise réelle du processus pour arriver à des résultats, que tout le monde a des résultats positifs, que toute la population burundaise attend. Et si jamais le processus est repris, quelles sont les pistes à exploiter pour sa réussite? Alors, nous avons, à ce sujet, nous avons donné déjà nos propositions aux médiateurs. Comme je l'ai dit au début, le médiateur, à un certain moment, il a demandé à ce que chaque parti donne des propositions par écrit. Et tout le monde l'a fait. Du moins, tous ceux qui sont intéressés par le processus, toutes les parties prenantes qui sont intéressées par le processus, ils ont donné des propositions. Le parti Savien Frodebout a donné sa proposition. Quelques-unes de ces propositions. Alors, c'est des compromis. C'est des compromis sur tous les points qui sont litigieux. Il y a des compromis que nous proposons. Je ne pourrais peut-être pas les énumérer tous ici, à moins qu'il y ait des questions précises que vous posez sur cela. Mais c'était un agenda de plusieurs points. Et sur chaque point, nous avons proposé des compromis. Donc, je ne crois pas que pour le moment, à moins que je me replonge dans le texte qu'on a envoyé au médiateur pour vous dire, écoutez, sur ça, nous proposons ceci. Non. Mais sachez bien que nous avons proposé des compromis. Ambassadeur Anatole Bachanamo, si jamais le processus reprend, est-ce qu'au niveau du parti FNL, vous avez des propositions de pistes à explorer pour sa réussite? Ça, c'est une question effectivement précise, mais moi je voudrais insister sur des choses qui seraient inacceptables. La première chose qui serait inacceptable, c'est la remise en question de la volonté du peuple. Comme il y a eu des élections, il ne faudrait pas qu'on revienne à ce qu'on dise. Ah, il y a un gouvernement qui est là, nous on voudrait faire un gouvernement de transition. Ça, c'est inacceptable. La deuxième chose inacceptable, c'est il ne faudrait pas favoriser l'impunité des politiciens qui sont accusés par des faits avérés d'avoir incité des gens à la violence et qui sont bien identifiés, cela ne devrait pas être invité. Ce serait vraiment inacceptable. Également, les personnes qui ont déjà déclaré qu'ils sont prêts à reprendre le pouvoir par la voie des armes, cela aussi ne doit pas éviter. Mais je dois rassurer tout le monde, parce que tu avais parlé tout à l'heure de la question. Des pistes à explorer. Vous parlez des choses inacceptables. Quelles sont les choses qui sont pour le moment acceptables? Les choses acceptables au niveau du parti FNL, c'est que les politiciens qui sont en exil ont le droit de rentrer pour participer à la préparation de 2020. Ça, c'est vraiment important. Donc, on doit dialoguer sur leur retour. Mais ils ne doivent pas poser des conditions inacceptables. Ils doivent rester dans le cadre de la loi. Je pose la même question à honorable Léopold Hakizimana. Il est de la coalition Amis Zeroya Barundi. Il est fort probable que le dialogue extérieur reprenne. Quelles sont les pistes à explorer pour sa réussite? Bon, la première piste à explorer, je demanderai qu'il y ait l'engagement ferme de toutes les parties prenantes, surtout la partie gouvernementale, qu'elle se présente dans le dialogue sans poser des conditions. Mais aussi pour l'opposition, il ne faut pas poser des conditions. Ça, c'est de un. De deux, je demande que la communauté internationale s'engage fermement pour arriver à un compromis dans cet accord. Qu'il ne faut pas toujours entendre une sorte de propagande, comme l'a dit mon ami Difrodebout. Nous avons un problème de savoir. Aujourd'hui, on nous dit le dialogue est reporté. Le médiateur ne dit pas même des raisons de reporter des dialogues. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui même, nous avons toujours des craintes que cette reprise ne sera pas effective, comme l'a annoncé. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit le report, il n'y a aucune justification, il n'y a pas de raison pour justifier ce report. C'est-à-dire qu'en certain moment, que la communauté internationale s'engage fermement parce que le peuple burundais est en train de souffrir. Autre chose, nous estimons qu'il faut d'abord suspendre la révision unilatérale de la Constitution. C'est ça ce que je pourrais dire et c'est encore possible. C'est sur cette contribution de l'honorable Léopold Hakizimana, Dami Zero Yabarundi, que nous mettons un terme à ce débat, à qui d'ailleurs nous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à l'ambassadeur Anatole Bachanamo, chargé des questions politiques et diplomatiques au sein du parti FNL. Je vous remercie également. Merci d'être venu et d'avoir participé dans ce débat. Merci également à l'honorable Pierre Claver Nahimana, vous êtes du parti Sahonia Fodebou. Je suis secrétaire général du parti Sahonia Fodebou. Je remercie Sanganiro de m'avoir invité à cette discussion. Je rappelle que on avait invité en représentant du parti CNDD-FDD et ce parti avait mandaté Anastase Manilambona, qui est secrétaire national chargé de la formation idéologique et patriotique au sein de ce parti, mais il n'est pas venu participer dans ce débat. Nous disons merci à Aimé Toussaint Mitebouti pour la mise en onde. Merci également à Jérôme Nyonzima pour la réalisation. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Au micro, vous étiez avec Joseph Tabiabandi. Très bonne suite des programmes à la radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.